Michel n'hésite jamais à vous offrir des cadeaux, comme par exemple extrait de Tug of War qui sortira le 2 octobre, mais nous on l'a déjà à la radio. Voici un petit plus. Si vous cherchez dans votre mémoire, il y a une chanson dans les années 70 dans laquelle Paul McCartney hurle « Oh, it didn't happen !» etc. Cherchez Paul McCartney lorsqu'il tient un petit bout de chanson, il le garde toujours sous la main au cas où. Vous êtes bien sur RIG et vous avez raison d'avoir choisi RIG 90.7 parce que c'est la radio des Beatles et c'est aussi la radio de la saga des Fab Four qui commence maintenant. Il est 20h. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 267, l'album de la semaine, c'est vous qui l'avez choisi sur Facebook en votant pour l'album Revolver des Beatles, forcément, en 1966. On écoutera Taxman, on écoutera Here, There and Everywhere, Good Day Sunshine, Dr. Robert, I Want to Tell You, et on finira avec Got to Get You Into My Life. Il y aura également du McCartney, mais alors là j'hésite. Je vous ai programmé 5 McCartney, comme d'habitude, mais depuis cet après-midi, j'ai les deux coffrets, l'album Tug of War et l'album Pipes of Peace. Si on écoutait un petit peu des extraits de ces deux albums-là en exclusivité sur RIG 90.6, alors peut-être qu'on va remplacer toutes les chansons de ce soir de McCartney par un extrait de ce nouvel album quelque part, parce que c'est la ressortie. On fera peut-être un alternatif des démos et puis les chansons remixées pour écouter de la différence. Bref, si jamais je ne fais pas ça, il y aura Sunferian pour Paul McCartney. Je pense qu'on la passera parce que je l'aime beaucoup, celle-là. Il y aura pour John Lennon Hold On sur l'album Plastic Ono Band. Pour George Harrison, ce sera The Light That Has Lighted the World sur l'album Living in a Material World en 1973. Et puis, pour Ringo Starr, Vertical Man sur l'album éponyme sorti en 1998. Pour le reste, eh bien, restez branchés. Venez sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four, parlez-en autour de vous, dites si vous êtes dans la région bordelaise que ça se passe sur 90.7 tous les mercredis ou peu s'en faut, et qu'il y a le podcast le lendemain probablement, dès que je peux en tout cas, et il y a une page Facebook des podcasts de la radio, des podcasts de La Saga des Fab Four. Il y a également Maca Club, si vous allez voir là-bas, et bien vous saurez tout

Je sais que vous ne me le demandez pas, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'entendre encore du McCartney. Voici extrait de Tug of War 2015. Après, ça dure comme ça pendant 3 minutes et il n'y a plus rien d'autre que de la rythmique. Donc, c'est sympa lorsqu'on est en boîte, lorsqu'on danse. Lorsqu'on est à la radio, ça le fait un petit peu moins. Et puis, comme c'est inédit, vous n'en aurez pas plus ce soir. Nous revenons à la suite de la saga des Fab Four. On a écouté d'abord les Beatles, puis Paul McCartney. Voici venir John Lennon avec Hold On, suivi de George Harrison avec The Light That Has Lighted the World sur RIG. There's no one else you just have yourself, and you tell yourself just to hold on. En 1973, sur l'album Living in a Material World, et le titre du morceau c'est The Light That Has Lighted the World. Il en manque un, c'est Ringo Starr. Je vous ai choisi une chanson de 1998. L'album s'appelle Vertical Man, le titre de la chanson aussi. La voici sur RIG.

tout ce qu'on peut savoir sur les Beatles, que ce soit la tournée de Paul, la tournée de Ringo, les amis de genre Clapton, machin, truc chouette, tous ceux qui font, qui gravitent autour des Beatles, y compris nous, les DJ, enfin les DJ, les animateurs radio, je préfère ce terme-là. Par exemple, votre serviteur pour la saga des Fab Four, il y a également Michael Honorato pour Beatles Tonight, le lundi soir dans le New Jersey. Il y a le samedi et le dimanche, Brooke Alpin, de l'autre côté, lui, il est du côté de Malibu, de l'autre côté des États-Unis, il nous fait Come Together with the Beatles, with Brooke Alpin. Il y a également Kyle au Canada, qui nous fait une émission le mercredi après-midi. Il s'appelle Beatles Mania. Et il y en a plein d'autres. Si vous voulez tout savoir, vous allez sur BeatlesManiaUK.com et vous saurez tout, puisqu'il y a des millions, j'ai pas peur de le dire, de visiteurs très très régulièrement et vraiment tout est rassemblé. Merci Beatles Magazine. Voici Here, There and Everywhere sur RG. On en parle après. Ses rapports avec Jan Asher étaient de nouveau au beau fixe. Paul composa ce qui est généralement considéré comme sa plus belle chanson d'amour. Tant John que Paul déclarèrent que c'était l'une de leurs chansons favorites. Paul la réenregistrera même plus tard pour son film Give My Regards to Broad Street. Paul composa Here, There and Everywhere en juin 1966, assis au bord de la piscine de la maison de John. Il venait de découvrir le nouvel album des Beach Boys, Pet Sounds, qui l'avait impressionné par sa complexité musicale et l'inventivité de ses harmonies vocales. Il voulut composer quelque chose qui reflèterait la même ambiance. Et ben ça marche. Du coup, on réécoute Paul, That Would Be Something, sur RG, en 1970, sur l'album McCartney. Something, it really would be something. That would be something. To meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. That would be something. Something, beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain.

ce petit moment de country, de cowboy, vous était offert par George Harrison en 1968 sur la musique du film Wonderwall Music. Eh oui, il savait aussi faire ça, George Harrison. Le voici, juste un an avant, très brumeux, très dans le brouillard. Blue Jay Way sur RIG. Peut-être de son ami Paul McCartney en 2010, Work With You sur RIG. Standing every

Yes, rock and roll. Back to John Lennon, 1975, rock and roll. Bonnie Maroney on R.I.J. John Lennon sur ce morceau-là. Make it love underneath that apple tree. C'est super, j'adore. Et là, on va se calmer parce qu'on va revenir bien des années en arrière, en 1965. Et les Beatles et John, non pas John, mais George Harrison, qui nous chante Think for Yourself sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. I've got a word or two to say about the things that you do. You're telling all those lies about the good things that we can have if we close our eyes. Do what you want to do and go where you're going. do. And go where you're going to. Think for yourself, cause I'll be there with you. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. De leur visite aux États-Unis, les Beatles entendirent parler d'un médecin new-yorkais à la mode qui faisait de mystérieuses injections de vitamines. Les gens nous disaient « On peut tout se procurer avec lui. Il vous donnera toutes les pilules que vous voulez », raconta Paul. C'était un sacré business. La chanson est une blague sur ce type qui pouvait soigner tout le monde et guérir tout avec ses pilules et ses tranquillisants. Il faisait surtout planer tout New York. Les amphétamines, à l'époque, étaient des antidépresseurs, mais il devint rapidement une drogue à la mode chez les New-Yorkais branchés. L'un des anciens patients du docteur Robert Freeman déclara lors d'une interview au New York Times en 73 « Quand vous vouliez passer une bonne soirée, alors vous vous arrêtiez d'abord chez Max, le docteur Max Jacobson, pardon, puis chez Freeman et puis enfin chez Bishop, le docteur John Bishop. C'était comme faire la tournée des bars. Le docteur Robert Freeman fut suspendu pour 6 mois en 68, puis perdit sa licence en 75 et fut renvoyé de la New York State Medical Society pour faute professionnelle. pas à cause des Beatles quand même. Voici le moment où il y a la cover. La cover, c'est une chanson qui a été interprétée par l'un des quatre, ou les quatre, John, Paul, Ringo, George. Et même si ça peut être eux qui ont repris une chanson d'un de leurs pères, genre par exemple C'est Jamais, Chuck Berry, etc. Là, cette fois-ci, c'est une chanson chantée par les Isley Brothers sur l'album qui s'appelle Twist and Shout, sorti en, je cherche la ligne, en 1962. Et le titre du morceau, vous l'avez deviné, c'est Twist and Shout. Voici la version des Isley Brothers. Beaucoup moins puissant, faut le reconnaître. Oh! left to your own devices. Overnight you've become something else. Do it now, sir. I've become a Sur l'album Piece of Peace ressorti, le coffret, il est écrit Simple as That Demo. Alors moi, je m'attendais à une version de travail de la chanson qui est sortie en 1986 sur l'album The Anti-Heroine Project, qui est resté très longtemps, très difficile à trouver. Et alors, si c'est la même chanson, il a fait vraiment du travail entre les deux, puisque la version finale, ça donne ça. Moi, c'est rangé sur mon ordinateur dans la catégorie B-sides and Rarities. Un petit endroit spécial où j'ai mis des McCartney qui sont assez durs à trouver. Mais plus ça va aller, plus ça va être facile. Mais au moins, je vous les propose dans la saga des Fab Four et apparemment, ça vous plaît. On change complètement d'interprète. Il s'appelle George Harrison et nous sommes en 1975. Et c'est une très très belle chanson. Il vous dit que la réponse est à la fin. The Answer's at the End sur RIG, c'est George Harrison. Foibles pass. fois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Lorsqu'on est sur l'album blanc de 1968, il est fréquent que je passe le jingle « Why don't we do it in the road ?» Et parce que ça m'amuse, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas sur la route, hein, toi et moi ? Je parle à quelqu'un, mais je vous dis pas qui. Tom me demande sur Facebook de raconter l'histoire de « Why don't we do it in the road ?» Je pourrais le faire, mais là, on a tellement de choses à passer. Et puis, essayer de vous présenter un petit peu des extraits des deux coffrets que je vais pas prendre le temps de raconter ça. Je le ferai une autre fois, promis, en mettant la chanson cette fois-ci directement. Voici l'album de la semaine, l'album Revolver et « I want to tell you ». Je veux te dire, écoute bien. My head is filled with things to do. driving a six-wheeler. George Harrison en 1976 sur l'album 33 and One Third. Et le titre du morceau, c'est It's What You Value. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas écouté du nouveau Paul McCartney. Voici Ode to a Koala Bear, une superbe face B qui est enfin sur l'album remasterisé de Paul McCartney. Écoutez. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Cold and old. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all the birds and bees. Go by twos through life's mysteries. You think it over, you think it over. A lonely heart grows cold and old. I'll play it to me. Cold and old. Ringo Starr dans ses œuvres en 2012 sur un album, il s'est pas foulé. L'album s'appelle Ringo 2012 et comme ça vous connaissez la date forcément puisque l'album est sorti en 2012. Nous revenons en 1970 et j'ai le sentiment, j'ai un sentiment, I've got a feeling, les Beatles sur RIG. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I can't hide, oh no, no. Oh no, oh no. Yeah, yeah. I'm gonna be like that. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the cool down. Oh yeah. Everybody.

I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way. And I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. I'd been in love before.